Au micro. Petit bonheur. Oh, je t'entends pas, t'es loin. Là, tu m'entends mieux? 1, 2, 3. On t'entend pas. Ils sont partis où mes effets? Tu m'entends pas? Tu m'entends là? Ah ouais, là ça va mieux. Tu m'entends? C'est moi, c'est duo a cappella ce soir. Ok. Ouais. Sur petit palais. Ah, attends. Évidemment. Faut juste faire un truc à mettre. Faut que je le ramène là. Pourquoi je m'entends en double? Bon alors tu joues pas? C'est quoi que tu cherches? Non, j'ai pas le goût de brancher l'instru là. Moi? Je peux faire un coup de non, guitare. Non, je disais, je... Vas-y, joue. Petit bonheur. Petit bonheur. Oh. Ben, Rockefeller. Petit bonheur. Petit bonheur. Tu es tout gris, tout petit, petit poney. Petit poney, petit poney, petit poney. Tu es tout gris, tout petit, petit poney. Petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe. Petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe. Petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Tu es tout gris, tout petit, petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Tu es tout gris, tout petit, petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe. Petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe. Petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Tu es tout gris, tout petit, petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Tu es tout gris et tout petit, petit poney, petit poney. Petit poney, petit poney. Tu es tout gris et tout petit, petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Tu es tout gris et tout petit, petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney. Petit poney, petit poney, petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Salut Dieu. Petit poney, tu es tout gris, tout petit. petit poney, petit poney. Et puis un jour le loup arrive avec trois feuilles de salade. Il va manger le quadrupède. Petit poney, petit poney, tu es tout gris et tout petit, petit poney, petit poney, petit poney, petit poney, petit poney, tout petit tour à goubri. Tour à goubri. Petit poney, mais j'arrive pas à chanter, je m'entends à parler. C'est chiant. Petit poney, je m'embrouille. Petit poney, petit poney, petit poney, petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Petit poney, voyage au plaisir. T'es loin. Rockefeller, le vampire. Même le gaz, il s'est barré. La drume. Ouais, t'es pas côté. C'est mieux là. Je bouffe le micro. Putain, je passe un coup. 6, 7, 8. C'est cool, ils s'en vont tous. Thank you.

Two.

Thank you.